Vous êtes à Sifu 89.1. Bienvenue sur Très Blues à Sifu. Avec vous ce soir, 2 heures de blues. Mon nom est Denis Baudin et nous aurons la habituelle chronique de Paul Deslauriers. Beaucoup de blues. Et dans quelques minutes, une entrevue avec un bluesman qui a sorti un nouvel album cette semaine. Jordan Fisher sera avec nous. Et pour débuter, nous écoutons la pièce qui m'a été le plus demandée la semaine dernière après notre diffusion. Alors, nous écoutons Hound Mouth du groupe Darlin, ou Darlin du groupe Hound Mouth. Don't let someone in. blue skies over my head. Give me another reason to get out of bed. Blue skies shine in my face. Give me another woman to take her place. Ain't got no money, cupboards are bare. No cigarettes and the kids got nothing to wear. She walked out without a word. Now the only song left is that morning bird singing blue skies over my head. Give me another reason to get out of bed. Blue skies shine in my face. Give me another woman to take her place. Got no money, cupboards are bare. No cigarettes and the kids got nothing to wear. She walked out without a word. Now the only song left is that morning bird singing blue skies over my head. Give me another reason to get out of bed. Blue skies shine in my face. Give me another woman to take her place. Alors, sur Trip Blues assez fou, vous avez entendu Blue Skies, la pièce titre de l'album Blue Skies de Jordan Officer. Jordan est en ligne avec nous. Bonsoir, Jordan. Bonsoir, Denis. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Mais très bien. Merci pour ce bel album, Jordan, qui nous fait découvrir des nouveaux rythmes, une nouvelle ambiance. C'est très intéressant. Merci. Je dis merci pour les gens qui vont acheter l'album. Mais vous devez acheter l'album. C'est la musique que vous pouvez écouter dans plusieurs circonstances. Jordan, l'album a été enregistré en Californie, si ma mémoire est bonne. J'ai commencé en Californie, mais il y a eu la majeure partie qui a été faite à mon retour à Montréal. Okay. Et sinon un peu à Tadoussac aussi, un peu à San Antonio, mais surtout à Montréal. Mais je dirais qu'il y a eu beaucoup de l'inspiration de l'album vient de quand j'étais à LA. J'y étais pour étudier avec certains guitaristes là-bas. Ça a été un trip de famille aussi de partir là-bas ensemble. Il y a eu beaucoup d'éléments dans ce voyage qui ont été inspirants et un peu magique. Donc, étant donné que l'album a commencé là, j'ai commencé à l'enregistrer dans les studios là-bas, ça a donné une certaine couleur qui est restée tout le long. C'est une couleur Jordan Officer. Jordan? Oui. OK. Écoute, l'album nous permet d'entendre des gens qui t'ont inspiré dans le blues. Oui. L'album Blue Skies est une pièce de Tom Waits que tu reprends à la Jordan Officer avec oui. l'esprit qu'on peut te connaître. Parle-nous des autres pièces sur l'album aussi. Ben, c'est drôle, sur cet album, c'était pas nécessairement mon but au départ. J'ai essayé beaucoup de chansons. J'ai aussi écrit beaucoup de chansons pendant que j'étais dans le processus de de travailler l'album, le matériel pour l'album. Mais ce qui est arrivé finalement, c'est que j'ai choisi des chansons qui ont tous eu une signification assez spéciale à différents moments de ma vie. Donc c'est un peu un hommage, ça s'est retrouvé à être un hommage à mon évolution en musique et dans ma vie personnelle. C'est des chansons qui ont eu beaucoup d'importance pour moi et qui ont vraiment résonné avec moi à tout plein de différents moments de ma vie. Donc pour moi, on dirait que je vois dans cet album, tandis que le dernier, I'm Free, c'était vraiment le moi dans le moment présent. Celui-ci, c'est comme le moi, c'est comme mon histoire, c'est mon évolution. Et en même temps, tout est interprété par le moi qui existe maintenant. Donc c'est sûr que je sens que ça m'a pris une certaine maturité pour pouvoir réinterpréter toutes ces chansons-là. Donc, j'étais rendu là, c'était le bon moment, et ça s'est fait un peu de façon organique, comme ça. Ça t'a permis de travailler aussi avec deux musiciens pratiquement légendaires, Mitch Holder et Dennis Biodemir, qui ont travaillé avec Phil Spector, les Beach Boys. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce qu'ils t'ont appris? Plein de choses. C'est sûr que quand on a l'opportunité de passer du temps avec des artistes comme ça, c'est... On apprend des choses et des fois c'est des années après qu'on se rend compte à quel point que ça nous a touché juste de passer du temps avec des gens comme ça. Mais je dirais que la principale chose que j'avais en moi quand je suis sorti de cette expérience, c'était l'excitation par rapport à la musique, de le travailler, de s'améliorer, de toujours être en évolution parce que c'est des gens qui se réinventent tellement. Et aussi ces deux guitaristes qui étaient des guitaristes de jazz, mais qui se sont ramassés dans les studios de R.A., dans vraiment la grande époque des studios de R.A., où c'était un petit groupe de musiciens qui ont joué sur quasiment tous les hits qui sont sortis de cette ville. Et ça veut dire qu'ils n'ont pas juste joué du jazz, même si au départ, c'était des guitaristes de jazz. Ils ont joué tous les styles, et à chaque jour, ils ne savaient pas quelle session ils allaient faire. Ça pouvait être Frank Sinatra, comme ça pouvait être une chanson country, comme ça pouvait être du pop ou des Beach Boys. Ça fait de eux des joueurs avec une ouverture d'esprit incroyable et une versatilité aussi, mais surtout aussi une éthique de travail et d'être bon, de s'améliorer. Donc toutes ces choses-là, c'était des inspirations pour moi. Pour toi. Et comme tu es un musicien surtout reconnu pour tes pièces jazz, avoir passé près de 10 ans à faire pratiquement que du jazz, est-ce que tu as dû faire un certain changement, aborder le blues d'une autre façon, ou le blues était toujours présent dans ta vie, hein, même en jouant du jazz? Ben, le blues, c'est vraiment le style de musique qui m'a donné une passion pour la musique. J'avais joué d'autres instruments dans ma vie, dans mon enfance, mais c'est quand j'ai trouvé la guitare et la blues. Le blues, c'est une découverte que j'ai faite quand j'étais fan, entre autres, de Led Zeppelin. OK. Quand j'ai commencé à checker leurs influences à eux, ça m'a amené directement vers le blues, puis ça m'a comme... Ça a été vraiment le début d'une passion, et c'est à ce moment-là que la musique a pris vraiment le contrôle de ma vie. Mais après ça, mes premiers bands, c'était des bands de blues, c'était vraiment ça mon langage, c'était ça mon style. Mais quand j'ai rencontré Suzy Arioli, elle chantait surtout du jazz. Alors, quand j'ai commencé ma carrière avec elle, surtout au début, je me sentais vraiment comme un guitariste de blues qui essayait de jouer du jazz. Mais le plus que je le faisais, j'ai découvert des artistes, j'ai travaillé là-dessus, j'ai appris plein de choses. Par après, elle a été à McGill dans le programme de jazz pour en apprendre encore plus. Donc, je suis devenu à l'aise en jazz, mais on dirait que ma perspective a toujours été celle d'un guitariste de blues qui découvrait le jazz. Donc maintenant, dans ma carrière solo, le fait que ça devient très blues, c'est un peu un retour vers ces racines-là personnelles, musicales. Moi, ce que j'ai trouvé dans l'album, c'est que le respect que toi et ton bassiste et ton percussionniste donnez aux instruments pendant les prestations, je vous ai vu mardi dans la courte prestation du lancement, et c'était j'ai senti la même chose, un respect des instruments. La guitare, elle représente quoi pour toi? Ben, elle représente ma principale façon de m'exprimer dans la vie, je dirais. De plus en plus la voix aussi, puis ça me fait tellement plaisir aussi parce que j'aime des chansons et des textes. Donc d'être à l'aise en tant que chanteur maintenant, c'est comme un autre univers qui s'ouvre. Mais depuis toujours, ma façon de m'exprimer, ça a été la guitare. Donc ça représente vraiment beaucoup ma façon de m'exprimer en tant qu'être humain. Donc c'est quand même gros. Et oui, il y a une tendresse, une relation, les instruments avec lesquels je joue, je les apprivoise, j'apprends à les connaître. Justement, celle sur cet album-ci, c'est une guitare qui est assez récente pour moi, même si elle est vieille. Et elle vient du père d'un ami qui est décédé. Et de connaître sa famille, le fait que la famille ait voulu que moi j'aie cette guitare, d'avoir une relation avec cet instrument, et en plus que ça donne, que ça a donné tellement une couleur différente à cet album, c'est moi je trouve ça magique. Ouais, merci. On va parle-nous là, on va écouter dans quelques instants quand on va se quitter la pièce Shot of Rhythm Blues. Parle-nous de cet album, de cette pièce pardon qui représente un peu le cœur de l'album. C'est la pièce que nous risquons d'entendre le plus. Shot of Rhythm and Blues, c'est une pièce qui m'a complètement étonné quand je l'ai entendue. C'était tellement un mélange de styles. Ça vient d'un chanteur qui s'appelle Arthur Alexander. C'est un chanteur de soul, R&B, de Georgie, okay, aux États-Unis. Mm-hmm. Mais dans son style de soul R&B, il y a tellement des influences de country et d'autres choses. Cette pièce, c'est son hommage un peu au rock and roll, donc il fait un peu une chanson dans le style rock and roll, même si lui n'est pas nécessairement un chanteur rock and roll. Donc c'est comme tellement un mélange de choses, mais c'est tellement unique, je trouve, et parfait. Puis c'est encore une de ses chansons que quand je travaillais ce nouvel album, ça a été un peu des genres d'idées de « Ah, pourquoi pas essayer celle-là? » Et puis là, en le faisant, c'était comme « Ah oui, je suis rendu là! » Puis à chaque fois, ça me surprenait que de constater que j'étais rendu là dans ma vie, que je pouvais faire ces chansons qui étaient tellement importantes pour moi à différents moments, mais que en le faisant, je sentais que j'étais vraiment moi-même et que je pouvais le faire dans un style qui était unique à moi. Puis il y a tellement le fun de la chanson, elle est tellement drôle, j'adore les paroles, j'adore le beat, puis ce que Alain Berger, le batteur, a fait sur la track, je trouve ça tellement le fun. Tout à fait, Alain, qui semble être de très à l'aise, qui fait attention à son instrument comme si mm-hmm. il voulait pas lui faire de mal. C'est plaisant de le voir jouer, de voir le bassiste aussi jouer avec sa, qui caresse pratiquement sa basse au même niveau que certains guitaristes caressent le guitare. C'est vraiment, vous avez une belle ambiance et vous semblez avoir une belle chimie de trio. J'ai trouvé ça. Oui, on a une belle chimie, on s'aime vraiment beaucoup les trois. Okay. Il y a des spectacles qui s'en viennent particulièrement en Europe dans les prochains jours et je crois à Québec malheureusement où c'est sold out, mais c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est le fun. Ça, c'est samedi. Après ça, tout de suite après, on part en Europe. Mais sinon, le gros de la tournée au Québec, ça va être dans le début de l'année prochaine, à partir du mois de février. On a des tournées aux États-Unis aussi entre-temps. Mais à partir de février, on tourne un peu partout dans le Québec. Donc ça va vraiment être cool. Jordan Afashu, merci d'avoir pris du temps pour les auditeurs de Très Blues Assez Fou à Trois-Rivières et on espère te voir dans la région bientôt. Merci Jordan. Oui, moi aussi, ça me fait plaisir, merci. Au revoir. And if you start to swing and sway when the band starts to play the real cool and way out sound. And if you get the can't help it and you can't sit down, feel like you gotta move around. Need a shot of rhythm and blues with just a little rock and roll on the side, just for good catch. Need a pair of dancing shoes. Well, with your lover by your side, then you know you're gonna have a lot of pleasure. Don't you worry about a thing when you start to dance and sing. Chill bumps come up on you. When that rhythm finally hits you and the beat gets you too, here's the thing for you to do. To dance and sing, chill bumps come up on you. And then when that rhythm finally hits you and the beat gets you too, here's the thing for you to do. Avec Denis Beaudin au 89.1 FM. En liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion tous les jeudis à 9h30. C'est pas assez. Retrouvez les pièces les plus jouées de la semaine, les meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique et quelques chansons qui ont marqué l'histoire dans C'était fou. Pour savoir ce qui se passe dans le monde de la musique alternative, c'est les palmarès C'est fou, les mardis de 15h à 18h sur C'est fou 89.1. Musique, divertissement, information et conneries, tout ça dans le dîner de cons de 11h à 13h du lundi au jeudi à C'est fou 89.1. Assez fou pour l'écouter. 89.1. Let me tell you about a girl I know. She's my baby and she lives next door. In the morning when the sun comes up, she brings me coffee and my favorite cup. Yes, I know. Yes, I know. Hallelujah, I love her so. When I'm in trouble and I got no friends, I know she'll stay with me right to the end. People ask me just how I know. I smile at them and say she told me so. Yes, I know. Yes, I know. Hallelujah, I love her so. When I call her on the telephone and I tell her that I'm all alone, all I gotta do is count from one to four. I hear her at my door in the evening when the sun goes down and there ain't nobody else around. She kisses me and she'll hold me tight, says daddy at home. Alright, yes I know. Yes I know. Hallelujah, I love her so. We'll be right back. tell her that I'm all alone. All I gotta do is count for one to fall. I hear her at my door in the evening when the sun goes down. And there ain't nobody else around. She kisses me and she holds me tight. Says, Daddy, it'll be alright. Yes, I know. Yes, I know. Hallelujah, I love her so. Hallelujah, I love her so. Hallelujah, I love her so. Hallelujah, I love her so. Hallelujah, I love her so. Ah, peut-être l'avez-vous reconnu, nous venons d'entendre Hugh Laurie, plus connu sous le nom de Dr. House. C'est un individu qui fait de la musique, qui chante et qui joue du piano. Donc la pièce s'appelait Hallelujah, I Love Her So. Maintenant, nous allons entendre une pièce d'un individu, un musicien de 35 ans irlandais, qui est plus connu pour certaines de ses pièces pop, mais nous allons entendre Hozier avec Jackie and Wilson. Blues. vrai blues assez fou, voici l'histoire du blues avec Paul Deslauriers. Bonsoir Paul. Bonsoir Denis. Comment vas-tu? Ça va très très très bien. Passe une belle semaine. En pleine forme. Et en pleine forme, oui. Nous aussi. Nous aussi, ça va bien. C'est, ben la, oui, c'est bon. La, on commence à être plus à l'aise en arrière de la console, c'est intéressant. C'est bon. Paul, cette semaine, on s'en va vers dans les années 30 à 33. Oui, 30 à 33, cette semaine, en fait, je vais vous présenter un artiste en premier lieu que j'ai découvert par un album du grand Bruce Coburn, okay. Qui est un artiste qu'on connaît, un artiste canadien, auteur-compositeur, excellent guitariste, qui a une très, très grande carrière, qui je pense qu'il a débuté dans les années 70 et tout. Oui. Mais il a sorti un album à un moment donné qui est sorti à peu près en 1990. Et puis, il y avait une chanson sur laquelle c'est rare qu'il fait des reprises, mais sur cet album, ça s'appelait Nothing But a Burning Like Album. C'est une chanson d'un artiste américain, un vieux bluesman, une chanson qui était enregistrée en 1930 par un artiste qui s'appelle Blind Willie Johnson. Et puis, il y a des gens qui connaissent probablement ces tunes. Il a fait Nobody's Fault But Mine, qui a été repris par la Zeppelin et aussi par la Paul Deslauriers Band. Okay, oui, effectivement. Mais la chanson que j'ai découvert, ce qui est super intéressant aussi, je passe d'une affaire à l'autre, mais ce qui est intéressant à Blind Willie Johnson, pour des gens qui ne savent pas, c'est que, je pense, dans les années 70, la NASA a envoyé un vaisseau spatial qui s'appelait Voyager. Oui. C'est le premier vaisseau qui a quitté le système solaire. Et puis, sur ce vaisseau-là, ils ont mis des extraits de musique pour que si jamais il y a une intelligence extraterrestre qui découvre ce véhicule-là, à l'intérieur de ça, il y a des chansons dont Johnny B. Goode, de Chuck Berry, des trucs comme ça. Et puis, il y a une chanson qui s'appelle Dark Was the Night, qui est une chanson de Blind Willie Johnson, qui est aussi sur cet enregistrement-là. Fait que, fait divers, très intéressant. Fait que, c'est un des premiers artistes à être au-delà du système solaire. À voyager dans l'espace. À avoir voyagé. Oui. Donc, la chanson que je vous présente, qui est enregistrée en 1930, ça s'appelle Soul of a Man. Well, won't somebody tell me? Answer if you can. Won't somebody tell me? Did what is the soul of a man? I'm going to ask the question, please answer if you can. Is there anybody sure and can tell me, tell what is the soul of a, well, what somebody tell me. Answer if you can, I want somebody to tell me, tell what is the soul of a man. I traveled different countries, I've traveled in forest land. I found nobody could tell me, tell what about the soul of a man. When I want somebody, tell me. Answer if you can, I want somebody to tell me, tell what is the soul of a man. I saw a crowd standing talking, I just came up in time. Was teaching the lawyer, the doctor, well, a man ain't nothing but a mind. Well, I want somebody to tell me, answer if you can. I want somebody to tell me, just what is the soul of a, gotta want somebody to tell me. Answer if you can. I want somebody to tell me, tell what is the soul of a man. I read the Bible often, I try to read it right. And for as I could understand, nothing but a burning light. Gotta want somebody to tell me, answer if you can. I want somebody to tell me, just tell the world as the soul of a man. When Christ had entered the temple, the people all stood amazed. Was teaching the lawyers, doctors, how to raise the man from the grave. Well, won't somebody tell me? Answer if you can. Won't somebody tell me? Tell the world is the soul of a man. Well, won't somebody tell me? Answer if you can. I want somebody to tell me, tell the world of the soul of a man. Blind Willie Johnson, la première pièce de Paul Delaurier cette semaine. On est en 1930. La deuxième pièce cette semaine? La deuxième pièce que je vous présente, c'est une pièce du grand Son House, qui a été une influence énorme sur Robert Johnson. C'est de lui que Robert Johnson a appris la chanson Walking Blues. Et puis, ça a été au coup de son influence, avance dans le temps sur tous les artistes, même aujourd'hui. Dans la troisième chanson, je vais vous faire une référence sur un des artistes qui a été influencé énormément par Son House. Ça a été aussi un artiste du Mississippi, qui a enregistré beaucoup dans les années 30 et 20. Et puis, qu'on a redécouvert dans les années 60, quand des chercheurs, des jeunes blancs américains cherchaient les racines du blues et ont retrouvé beaucoup de ces artistes-là qui étaient encore vivants. Son House vivait à Rochester ou New York, et puis il était déjà plus âgé à ce moment-là, puis on a fait des enregistrements avec lui dans les années 60, suite à sa redécouverte. Donc, je vous présente la chanson « My Black Mama Part 1 », enregistrée en 1930. Voici Son House. Black mama walked out, mad with you, said, hey, satisfaction, don't care what I do, hey, mama, what's the matter with you? Said it ain't satisfaction, baby, don't care what I do. You take a brown skin, wanna make a rabbit, move the town, say, jet black wanna make a music, stable down. Oh, brown skin, wanna make a rabbit, move the town. Thank you. Funhouse, My Black Mama Part 1. Paul, c'était de la musique très rudimentaire. On sent qu'il n'y a pas beaucoup d'instruments, que la guitare est mise en évidence, surtout la voix du chanteur. Ben oui, tout à fait. C'est tout un chanteur. Écoutez, c'est vraiment de l'époque d'un homme et sa guitare, voyez. Et puis les troubadours qui se promenaient pour faire de la musique dans la rue, puis dans les plantations, dans les parties et tout ça. Les juke joints, comme on appelait. Alors, c'est une époque qui m'est très chère. J'aime beaucoup le mystère de cette chose-là parce qu'on connaît plus sur ces artistes-là. Et puis, ça m'a toujours fasciné. Une belle période dans la musique. Et c'est souvent des gens qui avaient appris la musique sur le tas, comme dirait l'autre, pas nécessairement. Ouais, sur le tas ou sur le champ. Sur le champ, effectivement. Par-dessus le coton. Ils connaissaient la musique au coton. Mais voilà. Paul, ta troisième place, c'est un... Avant la troisième pièce, Paul, d'ailleurs, je veux souligner que demain, tu es à Baie du Fèvre au Théâtre Bellecour avec Sam et Greg, avec le Paul oui. Delaurier Blues Band. Oui, en fait, c'est ça. Demain soir à 20h au Théâtre Bellecour, c'est notre première fois à Baie du Fèvre, donc on est bien excités. On espère de voir tout le monde en grand nombre qui vont se déplacer pour ça, parce que je sais que c'est pas loin de Trois-Rivières. Et puis votre région, donc ça nous ferait plaisir de vous voir au spectacle. Notre antenne se rend, du moins, à Baie du Fèvre. J'ai des échos jusqu'à Baie du Fèvre, donc notre antenne se rend. Ah, ben c'est bon, parfait. Parfait, c'est bon. La troisième pièce, Paul? La troisième pièce vous présente, je vous ai dit que le grand Funhouse avait une influence sur la chanson que je vais vous présenter maintenant, parce que Funhouse a été un des plus grands influences à Jack White, qu'on a connu avec les White Stripes et tout ça. Et puis, la prochaine chanson, c'était une chanson qui était reprise par Jack White aussi. C'est un artiste qui a enregistré en 1933. L'artiste s'appelle Blind Willie McTell. La chanson s'appelle « Lord, Send Me an Angel ». Good Lord. Good Lord, send me an angel down. Can't spy you no angel, we'll spy you cheese and brown. That new way of loving, swear to God it must be best. All these Georgia women won't let Mr. Maxwell rest. There was a crowd down on the corner. I wondered who could it be. Wanna thing what the woman's trying to get to me. I went down to the shed with my suitcase in my hand. Crowd of women run crying, said, Mr. Mike, won't you be my man? Then my mother, she told me, when I was a boy playing, Mama Peg, don't drink no black cow's milk and don't eat no black hen's egg. My baby, studying evil, and I'm studying evil too. I'm gonna hang around here to see what my babe gonna do. Listen. I can't be trusted, and I can't be satisfied. When the men see me coming, they go to pinning their women to their side. About my loving, taking any time of day, how to get my right loving, I'm going to Georgia right away. Listen. Oh, it sure is good. I got three women, that's the yellow, brown and black, take the governor of Georgia to judge the one I like. One of them Atlanta yellow, one of the Macon brown, one of the states where dark skin will turn your damper down. So bye mama, I'll see you some sweet day. You'll be awful sorry you done Mr. Mike this away. Oh, Blind Willie McTell, Lord Send Me an Angel, Paul. C'est, on voit que la voix est différente, les arrangements, le son, la prise de son semble être meilleure, de meilleure qualité. Ouais, c'est ça, puis ça va une semaine en semaine, parce qu'on avance dans le temps, on avance dans la technologie de l'enregistrement. Fait que c'est sûr que les enregistrements des années 20, c'est assez rudimentaire, ça a été fait sur le champ avec une machine. C'est ça qui est intéressant aussi quand on avance dans le temps, on voit que la qualité sonore s'améliore de plus en plus aussi, la technologie d'enregistrement. Donc, est-ce qu'on a une explication? On avait deux musiciens aveugles cette semaine. Est-ce qu'on a une... Je pense pas que c'était pas nécessairement un thème. J'ai pas fait ça de façon prémédité. Je pense que c'est juste des artistes qui me sont chers. C'est sûr qu'il y avait beaucoup, il y avait, tu sais, les Blind Willie McTell, Blind Willie Johnson, Blind Lemon Jefferson et tout ça. Ça a été un genre de truc à l'époque, je sais pas pourquoi, au niveau de l'esthétique, de mentionner que ces artistes-là étaient aveugles, puisqu'on les voyait pas, on les entendait seulement sur le disque. Donc, c'est une affaire fascinante, mais c'est aussi intéressant de voir que ces artistes-là, malgré leur handicap, puis si tu recherches l'histoire sur ces gens-là, tu vas voir que c'était des gens qui étaient extrêmement indépendants, qui voyageaient partout seuls et se débrouillaient dans la vie sans beaucoup d'aide. Ce qui est un peu comme Ray Charles qu'on a connu aussi, qui était capable de marcher sans canne blanche, si vous voulez. Il se promenait dans les rues, savoir où tourner à gauche, à droite, et puis c'est vraiment fascinant. Puis on soupçonne souvent que les gens qui manquent un sens, on développe une acuité plus intense dans les autres sens, dont le sens musical, ça peut être possible. L'oreille, aussi. C'est probablement l'oreille qui est très sollicitée, ça lui permet de faire de la musique. Ouais. Mais on connaît de très bons musiciens qui voient bien et qui font de très bonne musique aussi. Écoutez, je voulais offrir à vos auditeurs, en remerciement à toi aussi, Denis, de m'avoir invité de faire une chronique avec vous autres toutes les semaines. J'aimerais vous offrir deux paires de billets à vos auditeurs pour venir voir le spectacle demain soir du Paul Delaurier Band au Théâtre Bellecour à Baie-du-Fer. Donc, on va inviter nos auditeurs, les paires de billets, on va les remettre via le téléphone, à nous appeler en studio à CFOU 89.1 au 819-376-5183. Et on va prendre deux appels, on va vous remettre chacune paire de billets. Paul, je te ferai parvenir par les moyens modernes les noms des gagnants. Parfait. Et leurs billets vont être à la billetterie demain, là, à compter de l'ouverture de la billetterie, qui doit être vers les 7 heures. Le spectacle est à 20 heures demain soir. Mais Paul, merci beaucoup. On se revoit, on se voit demain. Je vais être présent au spectacle. On va aller voir le Paul Delaurier Band. Et on se reparle la semaine prochaine. On continue dans les années 30. On monte vers les années 40 tranquillement. C'est ça. Merci beaucoup, Denis. Bonne semaine. Merci, Paul. Vous écoutez Très Blues à Cifou avec Denis Beaudin au 89.1 FM. We'll be right back. did. Une pièce que à peu près tout le monde a appris à l'école. Mary Had a Little Lamb avec Stevie Ray Vaughan. Stevie Ray Vaughan qui est un auteur-compositeur-interprète, malheureusement décédé trop rapidement dans un accident d'hélicoptère. Il a joué beaucoup de musique. Il jouait particulièrement sur des guitares Gibson. Il avait la particularité aussi de nommer ses guitares. Toutes ses guitares avaient un nom. Donc, Stevie Ray Vaughan. Maintenant, nous allons écouter une pièce qui s'appelle A Ton of Blues. L'artiste s'appelle Colleen. 89.1 FM. Génie en liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion tous les jeudis à 9h30. Un écrivain reste dans l'autobus, me dit que t'as un petit quelque chose. Mais c'est pas assez. Retrouvez les pièces les plus jouées de la semaine, les meilleurs moments d'assemblage requis dans un instant classique et quelques chansons qui ont marqué l'histoire dans C'était fou. Pour savoir ce qui se passe dans le monde de la musique alternative, c'est les palmarès C'est fou, les mardis de 15h à 18h sur C'est fou 89.1. Musique, divertissement, information et conneries, tout ça dans le dîner de cons de 11h à 13h du lundi au jeudi à C'est fou 89.1. C'est assez fou pour l'écouter. 89.1. Vous écoutez Très Blues assez fou avec Denis Beaudin au 89.1 FM. Et nous débutons la deuxième heure de notre Très Blues assez fou de cette semaine avec encore plus de musique blues. Mais je vous rappelle que nous avons deux paires de billets pour le spectacle du Paul Delaurier Band demain au Théâtre Bellecour de Baie-du-Fèvre à vous remettre. Donc, appelez-nous 819-376-5183. We'll be right back. Christ one day. If you love Jesus, take a dip in the water. He will wash your sins and take them away. And I say, wait, ah. Don't leave me here a long way, ah. She ain't already. On vient d'entendre Rachel Van Zanten, c'est une guitariste de slide guitar canadienne qui nous a joué sa pièce Don't Leave Me Here. Et avant, nous avions entendu un groupe australien qui s'appelait The Blackwater Fever avec la tune Better Half Dead. Nous allons continuer avec un groupe qui s'appelle, une chanteuse qui s'appelle Senna Earnhardt. Thank you. C'est un style que j'apprécie beaucoup, Senna Earnhardt avec Things You Shouldn't Need to Know. C'est une artiste américaine. Et on va terminer notre bloc féminin avec une artiste serbe qui fait du blues, qu'on a eu l'occasion de voir il y a quelques années à Trois-Rivières en blues, qui va nous chanter Fearless Blues, Anna Popovic. I don't fear darkest night. I was born to fight. Fearless, yeah, inside out. I won't leave a single doubt. I can stand shaking ground. Avec Denis Beaudin au 89.1 FM. Beaucoup de musique ce soir et on continue immédiatement avec un individu dont Steven Hubbard nous a parlé il y a quelques semaines. qui va nous interpréter un classique de la musique pop remis au blues, qui est devenu un classique dans les dernières années. La pièce s'appelle Stop, voici Joe Bonamassa. Stop.

I ever get back my blue jeans. Lord, how happy would one man be? If I ever get back my old blue jeans, how happy could one man be? Cause if I get back my blue jeans, I know my baby will be bringing them on home to me. Sur Très Blues Assez Fou, vous venez d'entendre Melvin Taylor. Vous êtes à Assez Fou 89.1 FM à Trois-Rivières. Vous êtes sur l'émission Très Blues Assez Fou. Encore quelques minutes avec vous dans notre 120 minutes hebdomadaire de blues. Melvin Taylor est un guitariste américain qui a beaucoup d'influence de plusieurs guitaristes qui l'ont précédé, particulièrement Jimi Hendrix. La prochaine pièce est une pièce encore d'un groupe américain qui s'appelle Marlin and Arbuckle. La pièce s'appelle Purgatory. Just a little taste is all I want from you. I'd get down on my knees and crawl the floor to you. I'm just like a junkie for the sweetest thing you got. One hit is simply not enough. Beater, now I need another shot. God damn, it's like the devil. What you do to me? I feel you dragging me to hell. I'm living in a private purgatory. Got my soul down in the well. The hour is late now. I shake and sweat here in the dark alone. I'm itching. I can feel you deep within my bones. I'm rolling. Head a tumbling till the morning light. Just one thing gonna make it right. We'll be right back. taste is all I want from you. I get down on my knees and crawl the floor to you. I'm just like a junkie for the sweetest thing. You got one hit, it's simply not enough. Beat it now, I need another shot. God damn, it's like the devil, what you do to me. Feel you dragging me to hell. I'm living in a private purgatory. Got my soul down in the well. Et la prochaine pièce est une pièce d'une chanteuse hongroise qui fait du blues. À toutes les semaines, je tente de vous trouver du blues qui sort un petit peu de l'ordinaire. Malheureusement, je ne suis pas en mesure de vous dire le titre et le nom de la chanteuse. Ça ressemble à Raza Magdi. Voici du blues hongrois. Who you love and you sure is with me. So now that it's over, I try and take it soberly. Questions unasked, remember as laughing at the broken past. God, if I could make it on without you. You're such a casual man, always in an empty hand. I'm helpless and I'm lonely without you. Yes, you're a casual man, always in an empty hand. Left me breathless with nothing more to lose. Settle down in Jameson Town. If now you could see me, you'd think twice about leaving. Say forever is the time you're gonna spend around. So why did you leave me? And why say goodbye? Except an evanescent, unsubstantial blues. Sit yourself down, girl, and talk to me. Tell me what's on your mind. You keep on telling me everything's okay. But if it was, then you wouldn't be crying. You've been tossing and turning in your sleep lately, baby. You're sitting around pouting all day long. Well, how in the hell did you expect me to understand? I don't even know what's wrong. Et c'est sur cette pièce de Valérie June que nous terminons notre émission de cette semaine de Très Blues Assez Fou, Assez Fou 89.1 FM.